clair, obscur. Les musiques sont sur Rage. Bonsoir à tous et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Moi c'est Stéphane et avec moi, heureusement, je ne suis pas tout seul puisqu'il y a Nathalie. Bonsoir à tous. Alors c'est l'émission des musiques dark sur Rage qui vous accompagnera désormais tous les mercredis soirs entre minuit et 1h du matin. On écoutera pendant donc 1 heure chaque semaine, on fera le tour des musiques de la scène dite gothique avec différents styles, notamment de l'EBM, de l'Heavenly Medieval, de la New Wave, voire du psychobilly, bien sûr de l'indus, et aussi bien sûr un petit peu avec nos amis de Tapage Nocturne du métal. Tu peux pas me mettre un petit peu de Chantal Goya aussi? Chantal Goya, pourquoi pas, mais on avait mieux ce soir, on avait Marilyn Manson en ouverture de l'émission avec le morceau The Fight Song qui était sorti à l'époque de l'album Hollywood, qui était, c'était donc en 2000, un album assez sombre et qui est de fait un des préférés de ses nombreux fans. Marilyn Manson et son exubérance, qui malgré la musique qu'il fait, qui est plutôt connotée métal, est vraiment l'archétype de l'artiste gothique, sombre, violent et provocateur, qu'on associe à tort ou raison à cette scène-là. Et il y a des groupes par contre qui sont plus et mieux installés dans la scène gothique, dans la scène rock-goth, puisque il y en a un que tu nous as ramené notamment ce soir. Si je vous dis typo négative, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Moi je suis A positif, donc c'est pas terrible. Ah ouais, mais tu peux pas tout avoir. La transfusion est pas, non, possible, pas mais possible. Au niveau musical ça peut le faire quand même. Non, on peut faire quelque chose. Donc voilà, donc typo négative, groupe américain, très connu avec Peter Steele, le chanteur au charisme aussi grand que sa taille. Qui est vraiment très très très peu sympathique des fois avec ses fans, comme il peut être extrêmement charismatique. Disons et... qu'on blaguait hors antenne, parce que quand tu l'avais rencontré, si je me souviens bien, il était assis, tu étais debout et vous aviez à peu près la même taille. On a la même taille. Bon, je suis pas grande non plus, hein, pour ceux qui me connaissent. Et donc je vous propose, moi, ce soir, d'écouter un de leurs titres, « My Girlfriend, Girlfriend », autrement dit en français, « La petite copine de ma petite copine », donc ça peut donner des idées à certains, de l'album « Ouh, c'est chaud ce soir sur Rage ». Ah bah pour la première, hein. Donc je vous laisse écouter ça. Clair Obscur, l'émission des musiques dark. instant dans vos oreilles, The Cure, Killing an Arab. Alors, dans ce titre qui a longtemps fait couler beaucoup d'encre, il faut absolument pas avoir de préjugés racistes, je précise pour la petite histoire, parce qu'il a été souvent mal interprété. C'est un texte qui vient du livre de Camus, donc L'étranger de Camus, que je conseille à tout le monde. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un excellent livre. Un bouquin qui aura vraiment influencé tous ceux qui l'ont lu, tous ceux qui m'en ont parlé du moins, et c'est aussi le cas pour Robert Smith, puisqu'il a écrit cette chanson après avoir lu le roman. Alors la chanson a été sortie en 1978 en single, elle a été reprise 2 ans plus tard sur l'album Boys Don't Cry. Et moi j'ai cru en fait, quand j'ai découvert, que c'était par rapport à la guerre du Liban qui à la fin des années 70 était partie pour durer. En fait non, pas du tout, c'est bien de ce roman que tu viens de citer, un roman d'Albert Camus qui a eu beaucoup de succès dans le monde anglophone d'après ce que j'ai pu constater. Et ça a quand même créé beaucoup d'ennuis au groupe, puisque le titre Killing an Arab, ils ont dû s'expliquer dessus, ne serait-ce que parce qu'une association néo-nazie britannique, où les néo-nazis sont assez actifs, a repris le titre à son compte, hein, ce qui a valu des petits rapprochements abusifs avec ça le groupe The Cure. Ça change la donne, malheureusement, alors que c'est absolument pas ça. Ceux qui ont lu le bouquin sauront de quoi on parle. De fait, effectivement, tu as raison. Et de fait, le groupe a envoyé le single avec le roman pour expliquer aux journalistes, justement, quand il s'adressait à la presse, de quel était le processus et la démarche qu'il respectait. Au point que cette petite histoire les a poursuivis pendant plus de 20 ans, et qu'en 2005, lors d'une dernière tournée du groupe, ils ont chanté sur scène Kissing an Arab pour mettre fin à la polémique. Donc on voit que la bêtise n'a pas de frontières, mais le talent non plus. The Cure en a donné un bel exemple ce soir. Et petite actu d'ailleurs sur The Cure. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont sorti un album il n'y a pas très longtemps. Avec un nom, alors on ne sait pas comment encore l'interpréter. 4 et 2 points. 13. Alors, est-ce que c'est un horaire de bus? Est-ce que c'est le temps qu'il nous reste à vivre? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un groupe à surveiller. Un album qui est sorti il y a quelques temps et dont vous passera un extrait bientôt, promis. Mais en attendant, on va faire un petit détour du côté du death rock. Du death rock, ce style assez particulier, avec des guitares torturées, des voix stridentes, des maquillages outranciers et souvent des groupes qui ont un jeu de scène assez théâtral. Et celui que j'ai envie de vous présenter ce soir ne fait pas exception à la règle, puisque c'est un groupe japonais qui s'appelle 13th Moon, comme son nom ne l'indique pas. Alors la 13e lune, je ne sais pas à quoi ça correspond dans le folklore local, mais en tout cas c'est quand même un groupe qui m'a intrigué, ne serait-ce que pas effectivement avec le maquillage qu'ils ont sur scène. Ils sont assez palos, mais en même temps c'est la règle du jeu qui veut ça, puisque le death rock se définit aussi comme ça. Alors ils ont sorti un premier maxi CD en septembre qui a été une belle surprise de ce côté-ci de la planète, et ils sont en train de chercher un label pour être distribué en Europe, mais vous pouvez écouter sur internet MySpace par exemple ou autre, des extraits de cet album qu'ils ont sorti après quelques démos qui n'ont paru qu'au Japon. Ils ont fait une petite apparition au Portugal pour un festival il y a quelque temps. Peut-être qu'ils reviendront dans notre vieille Europe pour nous honorer de leur talent scénique. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère, et je vous propose de découvrir avec moi le titre Countdown to Suicide. À l'instant, le groupe 13th Moon, un groupe japonais de death rock qui arrache, c'est le cas de le dire, avec le morceau Countdown to Suicide. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, Nathalie ? Moi, j'adore. Ça nous réveille un peu, même en cette heure tardive, ça donne envie de sautiller un petit peu partout. C'est l'effet que ça me fait. Aussi, tu secoues la tête, un petit peu les cheveux, ça réveille. Ah non, je sors de chez le coiffeur, il n'y a pas que moyen. Quoi. Mais en tous les cas, il faut dire que c'est un groupe qui, comme son style l'impose, finalement, à quelque chose de très très dansant et quelque chose de très très torturé, ce qui est un petit peu moins le cas du groupe auquel on va passer maintenant, puisqu'il s'agit de quelque chose de tout aussi dynamique mais de plus enjoué, puisqu'il s'agit des Dresden Dolls. Ce duo créé à Boston dans les années 2000 avec Amanda Palmer et Brian Villionnet, groupe à la ville comme à la Seigne, et joli couple, voilà, qui sont mignons, allais-je dire, c'est vrai, et qui se définissent eux-mêmes comme du punk cabaret brechtien, en référence à la musique qu'auront composé ensemble Kurt Weill et Bertolt Brecht dans les années 20, la grande époque de l'Allemagne de Weimar, un peu décadente, mais en même temps avec cette société qui s'amusait pour éviter de penser aux horreurs qui s'annonçaient. Et c'est dans cet état d'esprit, que ce soit au niveau des maquillages ou au niveau de la musique, qu'il se situe avec ce style cabaret punk qui a du succès depuis une petite dizaine d'années. On ne s'en plaindra pas puisque ça nous donne de très belles choses, comme le morceau qu'on va écouter à présent, un morceau tiré de leur premier album éponyme sorti en 2004, Girl Anachronism. Made me from the state of my room that they let me out too soon, and the pills that I ate came a couple weeks too late. I've got some issues to work through. There I go again, pretending to be you, make believing that I have a soul beneath the surface, trying to convince you it was accidentally on purpose. I am not so serious. This passion is a plagiarism. I might join your century, but only on a rare occasion. I was taken up in for the labor pains and dead. Encourages her. And you can tell from the full body cast that you're sorry that you asked, that you did everything you could like any decent person would. But I might be catching, so don't touch. Don't believe that you're immune to gravity and stuff. Don't get me wet, because the bandages will all come off. You can tell from the smoke at the stake that the current state is critical. Is the little thing fine sense? The time it takes to break it, she can make up 10 excuses. Excuse her for the day, it's just the way the medication makes her. I don't necessarily believe there is a cure for this, so I might join your century, but only as a devil guest. I was too precarious, removed as a cesarean. En tout cas, l'énergie d'Amanda Palmer n'est pas anachronique, puisque dans les années 2000, avec une batterie et un piano seulement, et toute leur hargne, ils arrivent à nous faire bouger, et c'est vraiment agréable et vivement que j'aille les voir sur scène un jour, puisque je les avais loupés malheureusement en 2004, et j'en pleure encore. Mais on va pas rester sur une mauvaise impression, puisque il y a des groupes qui eux aussi nous font bouger dans un style assez différent, comme London After Midnight que tu nous as ramené. Oui, on va quitter le côté cabaret, mais on va rester dans l'extravagant avec London After Midnight, comme tu viens de le dire, et l'album Psycho Magnet, et le titre éponyme, vraiment qui est le leader de l'album. Je vous laisse écouter et on vous en dit deux petits mots derrière. Such a precious way. à l'instant London After Midnight avec le morceau Psycho Magnet, un morceau que nous a ramené Nathalie dans son escarcelle. Faut dire que London After Midnight, c'est un groupe qui plaît beaucoup aux filles. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le look qu'ils ont. Si vous avez un petit peu regardé sur internet, ils ont vraiment un jeu de scène magnifique, un look vraiment très très travaillé, très androgyne, surtout pour le chanteur. On se demande si c'est des femmes ou des hommes. À la voix, on sait que ce sont des hommes, mais beaucoup de femmes aimeraient avoir le physique du chanteur, j'avoue. Et en tout cas, pour ma part, j'ai remarqué que le public de London After Midnight, qui est donc un groupe clairement goth, avec que ce soit au niveau de la musique, comme vous venez de l'entendre, mais aussi du look sur scène ou dans la vie, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu habillés sur ça, comme ça, souvent. C'est un groupe qui, curieusement, peut-être par ce côté androgyne, attire un public de nana au-delà de la scène goth traditionnelle, au-delà du public goth tel qu'il est déjà installé. Il fascine énormément, ça c'est vrai. Voilà, il y a ce côté fascination, et c'est vrai qu'il y a des nanas qui écoutent pas du tout ce style musical et qui sont attirées par ce groupe-là en particulier. Pourquoi, mystère ? Alors ça, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très très fascinant dans leur manière d'être. Moi, j'aime beaucoup, je sais, je suis pas la seule. C'est un groupe qui existe depuis combien de temps, Aurélie ? Oh, plus d'une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. L'album que j'ai amené ce soir, il date des années 90, mais ils ont extrêmement bien vieilli. Voilà, au niveau du son, c'est vraiment très très bien soigné. Voilà, ça fait partie des groupes qui ont bien vieilli et qui font partie de la culture gothique dans toute son ampleur. Eh bien, qu'ils continuent comme ça. En tout, ils nous ont laissé un gentil petit mot sur MySpace d'ailleurs, donc c'est un groupe que pour ma part, je vais surveiller. Et le groupe par contre que tu vas nous présenter maintenant est un groupe beaucoup plus discret, mais qui fait quelque chose de tout aussi original. Oui, là on tombe plus dans le registre médiéval avec Garmana, qui est un groupe qui chante notamment en langue celte, pas que ça, mais beaucoup en langue celte. Alors le nom Garmana vient du nom du chien Garm, dans la mythologie celtique, qui est un peu l'équivalent de notre Cerbère de la Porte, qui empêchait les âmes des morts de retourner sur Terre, mais aussi celles des vivants de revenir, au cas où, hein, on sait jamais. Là, Fallait filer droit finalement. Ah, fallait pas bouger. Donc du coup, beaucoup de thèmes guerriers, beaucoup de thèmes médiévaux, de mythologie. Donc sur le mythologie proprement celtique ou aussi scandinave, tout l'imaginaire européen, essentiellement celtique, mais avec un petit peu de scandinave. Ils se sont ouverts par la suite à d'autres mythologies. Et eux-mêmes sont un groupe. Alors eux-mêmes, je n'ai pas l'info. Tu me prends un peu au début. Ben voilà, pendant qu'on vous passera le morceau, on ira chercher sur internet. À supposer qu'on trouve des infos, parce que comme je viens de le dire, c'est un groupe très discret qui a une actualité assez confidentielle, mais une musique très très puissante. On va écouter ça tout de suite avec le morceau Gamen the Vulture de Garmana. Man. good morning. Scrivere con vaso vide contento non darò. à l'instant dans vos oreilles un petit morceau de Quintal, Ad mortem festinamus, de sa traduction en français Jusqu'à la mort nous festoirons. Mais juste avant, vous avez pu entendre un morceau de Garmana, et comme on a cherché entre temps, on sait maintenant qu'ils sont en majorité finlandais pour le groupe, donc vous avez pu aussi entendre Gamen de Vulture de l'album Vengeance. Ad mortem festinamus, tout un programme. Hein. Il vient d'où ce groupe Quintal finalement? Parce qu'il est assez connu, mais il existe depuis combien de temps? Alors Quintal existe à peu près comme typo négatif depuis une quinzaine d'années. Donc le mot Quintal viendrait d'un rêve de la chanteuse qui a vu un jour écrit dans un de ses rêves sur un mur de sang les lettres Quintal et a su que c'était ça le nom du groupe alors qu'ils étaient en recherche. Donc ça vient de là, il ne faut pas chercher, je pense, une signification. Un message divin ou un rêve prémonitoire. C'est d'un rêve, et donc certains ont vu la mythologie aztèque, etc. Non, donc c'est un rêve de la chanteuse. Voilà, et ça nous donne un très très beau projet. Maintenant, ils sont dans un registre moins médiéval, plus électro, mais toujours aussi soigné. On les a régulièrement en France. Malheureusement, ils se limitent à Paris. On aimerait bien les avoir un peu dans le sud. Mais bon, en attendant, il faut faire le déplacement jusqu'à la capitale pour les quelques dates où ils viennent en France. Toujours est-il que ça me fait penser, toute proportion gardée, à un groupe qui avait fait un gros succès au début des années 90, Enigma. Oui. Dans cette même veine médiévale électro, un peu ambiante, avec des sons assez éthérés. Un peu ambigu dans les paroles aussi. Avec de l'écho. Au niveau des paroles aussi? Oui, beaucoup. Oui. Ils utilisaient des chants grégoriens avec des paroles d'exorcisme. À l'époque, ça avait fait scandale. Je m'en souviens pas, mais je veux bien te croire. Mais c'est vrai que c'est un groupe où beaucoup de gens ont commencé par là, pour petit à petit se diriger vers une scène peut-être moins facilement accessible à la première écoute, mais tout aussi riche. Une scène tout aussi controversée et même plus au sein du milieu gothique est la scène emo. Et je me suis dit que comme il est 1h moins le quart, mais qu'il nous reste encore de l'énergie, et on allait se faire un petit plaisir en passant un groupe emo, parce que même si on considère que c'est l'emo, c'est le gothique pour les gamins, pour les lycéens prépubères, ou que sais-je encore, il faut reconnaître qu'il y a quand même de très très bons groupes qui font de compositions énergiques dans ce mouvement-là, même si on est allergique aux chanteurs à mèche, comme les chanteurs de 30 Seconds to Mars, par exemple, pour ne citer que, il y a quand même de très bonnes choses, et j'en veux pour preuve le groupe que je vous ai ramené ce soir, un groupe qui n'est connu qu'aux États-Unis manifestement, et que toutes les jeunes américaines sauront vous chanter sur le bout des lèvres, vous susurrer sur les bouts de doigts, ou que sais-je encore, puisqu'il s'agit de The Red Jumpsuit Apparatus, un groupe originaire d'où précisément, je ne sais pas, je n'ai pas pu me renseigner, mais toujours est-il que leur musique a beaucoup de succès dans les frontières des États-Unis, et je vous propose d'écouter ça tout de suite avec le morceau Face Down. In the middle. c'est démonio. Et on écoute Clair Obscur sur Rage. Oh, j'adore. Oh non, il faut pas dire que les gothiques ont pas d'humour quand tu entends ça. Vraiment, vraiment. Bon, il y a pas en encore cas, le sacrifice de berger allemand, mais... Oui, c'est donc une petite référence à ce fameux sketch d'Eli Semoun, les petites annonces d'Eli où il critiquait, enfin il se moquait gentiment des gothiques. Moi, je l'avais adoré, même si j'avais bien conscience qu'on se foutait aussi un petit peu de moi. Mais j'ai décidé d'en faire un petit jingle pour vous ce soir dans Clair Obscur. D'ailleurs, je rappelle que vous nous écoutez sur Rage, sur le 102.5 dans le Gard et l'Hérault et le 90.3 à Avignon et à Reykjavik ou à Hong Kong. Ben, c'est le www.rage.fr, mais c'est avec plaisir qu'on vous fait un petit bisou là-bas aussi. Alors, on a écouté un petit groupe d'IMO, donc venu des États-Unis, The Red Jumpsuit Apparatus. Et maintenant qu'on a épuisé les dernières réserves d'énergie qu'on avait, ben on va pouvoir passer à des choses un petit peu plus mélancoliques, avec un groupe absolument incontournable de la scène gothique et même au-delà, puisqu'il s'agit de Dead Can Dance, bien sûr. Comment faire une émission gothique sans eux? Que j'ai raté quand ils sont repassés en France. Mais on les a ratés tous les deux, Cocotte, parce qu'effectivement, ils avaient fait deux dates. En France, c'était donc en 2005, une à Paris, une à Bordeaux. Et moi, je m'étais renseigné sur le site de réservation des places, 48 heures trop tard. Ouais. Donc, tu peux imaginer que j'avais un petit Y a de quoi se fouetter avec, hein. Tu te flagelles, là. Donc, voilà, j'ai mis un hôtel avec mes CD, des bougies et de l'encens et je prie devant tous les soirs. Toujours est-il que ce duo, donc, vraiment, du Commonwealth, puisque Lisa Gerrard est une chanteuse, une contralto australienne, et Brendan Perry et lui, tout ce qu'il y a de plus britannique. Qui c'est que ce groupe, ce duo s'est créé en 1981 et ils se sont séparés en 1998 et dans la foulée, dans ce laps de temps, ils nous ont sorti parmi les plus beaux albums qui aient jamais été édités sur le label 4AD, label légendaire s'il en est. Et c'est un de ces albums que j'ai envie de vous passer ce soir, un morceau assez emblématique de leur début, puisqu'il s'agit d'un album éponyme, et le morceau, vous le connaissez sans doute déjà, parce qu'il est déjà passé plusieurs fois sur Rage dans des versions tout à fait différentes, « In Power We Entrust the Love Advocated ». There can be more than means to the end, or keep. In Power We Love, In Power We Entrust, The Love Advocated, pardon, c'est un peu tard, je fatigue, donc de Dead Can Dance, magnifique morceau, n'est-ce pas Stéphane ? Oui, très mélancolique et qui nous berce pour nous mener vers les plumes qui nous attendent. Un morceau donc de leur début et on arrive à la fin de cette émission et on va finir par se quitter avec un petit peu de mélancolie dans la voix pour mieux vous dire à la semaine prochaine. Et on va se quitter alors avec un principe qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, puisque on aura fait le tour des musiques sombres durant toute cette heure qu'on aura passé ensemble, et tous les mercredis soirs on se quittera avec quelque chose de différent, un style tout à fait différent de ceux qu'on aura illustré pendant cette émission. Et je vous propose de commencer ce soir avec quelque chose de tout à fait inhabituel dans une émission gothique, puisqu'il s'agit de chansons françaises, la Longue Dame Brune, celle qu'on appelait la Dame en Noir, vous aurez bien sûr reconnu Barbara, qui jusqu'à 1998, année de sa mort, nous aura bercé de chansons absolument magnifiques, puisqu'elle était auteur-compositeur. Ce qui n'est pas le cas de la chanson que je vais vous passer ce soir, mais je crois que personne ne l'aurait interprétée mieux qu'elle. Une chanson qui s'appelle « À peine », une chanson que depuis que je l'ai entendue, je ne peux plus voir l'aube blafarde par la fenêtre qui se pointe après une nuit d'amour passionnée de la même façon, puisque c'est une chanson que les étrangers pourraient nous envier, puisqu'il y a quelque chose de très charnel et de très poétique dans les paroles et de magnifique dans son interprétation. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup d'admiration pour Barbara. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour toi Nathalie, dont c'était la première émission ce soir sur les ondes avignonnaises et du Sud-Est. Et c'est un plaisir de t'avoir avec moi à mes côtés tous les mercredis soirs. On espère que l'émission vous a plu, que vous y reviendrez. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Bonne et on nuit. Se quitte avec l'or de la voix de la longue dame brune, Barbara. À peine le jour s'est levé, à peine la nuit va s'achever, que déjà ta main s'est glissée légère, légère. À peine sortie du sommeil, à peine tu t'éveilles, que déjà tu cherches ma main, que déjà tu frôles mes reins. L'aube blafarde par la fenêtre, l'aube blafarde va disparaître. C'est beau, regarde par la fenêtre, c'est beau, regarde le jour paraître. À chaque jour recommencer, à se vouloir, à se gagner, à se perdre, à se déchirer, à se battre, à se crucifier. Passer les vents et les marées, mille fois perdu déchiré, mille fois perdu retrouvé, nous restons là émerveillés. Ton indocile, ta difficile, et puis docile, ta si fragile. Je suis la vague où tu te noies, et je m'enroule au creux de toi. À peine le temps s'est posé, printemps, hiver, automne, été, tu t'en souviens, c'était hier, printemps, automne, été, hiver. À peine tu m'avais entrevu, et déjà tu m'avais reconnu. À peine tu m'avais souri, que déjà je t'avais choisi. Mon indocile, mon difficile, et puis docile, mon si fragile. Tu es la vague où je me noie, tu es ma force, tu es ma loi. Dans la chambre s'est glissée l'ombre, je t'aperçois dans la pénombre. Tu me regardes, tu me guettes, tu n'écoutais pas, je m'arrête. Au loin une porte qui claque, il pleut, j'aime le bruit des flaques. Ailleurs le monde vit, ailleurs, mais nous vivons là mon cœur. Et je m'enroule au creux de toi. Thank you.